Chapitre 3e. Dans la lutte qui venait de s'engager, les forces pouvaient paraître égales. Le seigneur avait l'adresse et le droit de possession, mais le virtuose avait l'entêtement et le mérite de la nouveauté. Si celui-ci perdait, par la présentation du comte, l'effet médité de son entrée romanesque, il se trouvait par compensation installé chez la signora comme chez une ancienne amie. Aussi, voyant pour la première fois dans son salon le grand artiste qui l'avait encharmé, l'illustre sauvage qu'elle avait si longtemps poursuivi, l'homme insaisissable qu'elle croyait disparu de ce monde et qui, tout à coup, surgissait à ses yeux étonnés, la noble dame l'accueillit avec une sorte de passion et déploya, pour le captiver, ses plus adorables cajoleries. Pendant une heure, ses grands yeux ne se lassèrent pas de le contempler, sa bouche de lui adresser 1000 questions, sa main de presser la sienne, comme pour s'assurer que ce n'était pas une ombre. L'amoureux savourait avec délices ses caresses, oubliant qu'elle s'adressait au maestro, lorsque le comte, dont la jalousie s'éveillait, affecta d'amener l'entretien sur la musique. « Entendrons-nous à Bassano, votre violon miraculeux ?» Cette question, répétée par la signora, remit brusquement à l'artiste à sa place. Un dépit amer contracta son pâle visage. Racontant d'une voix éteinte ses longues souffrances, il s'excusa sur l'état de sa santé et allégua son serment de ne plus jouer pour personne. Alors la Joconde fut frappée de son effrayante maigreur et du sinistre regard que ses yeux mourants attachaient sur elle. Elle insista néanmoins pour l'entendre, ne fût-ce qu'une seule minute, assurant qu'elle donnerait pour cette minute un mois de sa vie. « Elle me coûterait une année de la mienne, » soupira tristement Paganini. « Cependant, » dit-il en se ravisant et en baisant la main de la signora, « je jouerai pour vous, madame, mais à une condition. Laquelle ?» demandèrent vivement le comte et la donna Monti. « Mon médecin me défend, sous peine de mort, d'avoir plus d'un auditeur. » répartit le maestro en jetant un regard oblique à son rival. « Quoi qu'il m'en coûte, ma condition sera de jouer ce soir même et pour vous seule, madame. » Paganini ne s'était fait point illusion sur l'effet de cette réponse à deux tranchants. La fantasque mélomane n'entendit que ses paroles. Ce soir même, il faillit embrasser le maestro dans l'effusion de sa reconnaissance. Le seigneur, au contraire, fut frappé de ces seuls mots, « pour vous seul », et le sourire diabolique du virtuose lui en fit doublement sentir l'aiguillon. Il était impossible, en effet, d'éconduire plus habilement son adversaire. Le comte se leva de bonne grâce en s'avouant vaincu. « Fort bien joué, mon maître, » dit-il à l'oreille du virtuose, « mais prenez garde à ma revanche. » La Joconde, qui ne pouvait apprécier l'étendue de ses regrets, le consola toutefois par un serment de main. Il lui dit adieu en ajoutant quelques mots à demi-voix, et Paganini, maître de la place, envoya chercher son violon.